Thank you.

you can't keep my air. You can't keep my air when I'm about to change. Keep your air when I'm about you. I'm losing time and blaming it on you. You can't trust yourself when all men touch you. You can't wait. I'll be turned by waiting. Can't wait. I'll be can't dream, I may dream of myself. You can't think, I don't make for your fate. Can't hear your dream, disaster. If you can't wait, I'll be down by waiting. It's a strange effect. Sell your tongue after they are gone. And so all one can nothing in you. Except the way they switch, said to them, oh no, if you can't tell. Grow again, you're with you. Okay. You ready? Maintenant, un super solo de Mr. Phil. voisine de briser tous les silences qui nous ferment l'avenir. Nous sommes les fils de la terre, habités du même champ, du même cri. Salut Céd. Cédric, c'est ça? Salut mon petit Cédric. Salut mon petit Cédric. Oh oh oh hey. Calé, pardon. Enfin sur le 1. Allez, filou. Fais-moi vibrer. Fais-moi pleurer avec ta guitare. On est capable. Quand tu veux, tu peux. Tu le sais bien. Pas mal. Mais tu peux faire mieux. Ah. Michel Jarson, tu vois. Commencer quand je regardais la télévision. Michel, sors de ce corps. Ouais, n'empêche que c'était pas mal cette émission quand j'étais gamin. Je crois qu'ils jouaient en live les mecs, hein. Ils jouaient en vrai je pense. Thank you.